Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Erratum. Involontairement, nous avons commis une erreur à propos de M. Franck, correspondant de la radio suisse romande à Soweto, en le prénommant Alain au lieu d'Aimon. Nous prions la famille et les proches de bien vouloir accepter nos plus sincères excuses pour cette méprise. On fait la queue chez les armuriers de Johannesburg. Pistolets et armes automatiques ne sont jamais si bien vendus. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Il y a des toilettes qui sont réservées aux blancs là-bas, il y a des toilettes qui sont réservées aux noirs. Il fait sale et dégoûtant là-dedans. C'est innommable, vous avez envie de remettre quand vous en sortez. Cette semaine, peuple séparé en Afrique du Sud. La conquête du Transvaal à la libération de Mandela. La libération de Nelson Mandela a longtemps coïncidé avec la croyance un peu naïve de la fin de l'apartheid. Et un sujet comme celui dont nous allons parler aujourd'hui démontre le contraire. Responsable militaire pour le développement d'un programme d'armement chimique à des fins défensives, le docteur Basson est en fait soupçonné d'avoir développé ce programme non pas seulement à des fins militaires, mais à des fins d'élimination systématique de tout opposant au régime et de tentatives de génocide sur des populations noires. Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Working at programs of the kind that I have mentioned. They were looking. Ils cherchaient des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. That would target only black people. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles. C'est eux. They were looking for. Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. Il est donc question de meurtre, de détournement d'argent public. S'il est condamné, le docteur Basson risque ni plus ni moins la perpétuité. Au moment où le docteur Basson s'apprête à faire la une des journaux, naît la TRC, la Commission pour la vérité et la réconciliation. Nous sommes au milieu des années 90. L'objectif de la Commission vérité et réconciliation, instituée par le gouvernement de Nelson Mandela et présidée par Mgr Desmond Tutu, est d'épurer un passé douloureux. Les policiers qui ont torturé les militants anti-apartheid peuvent demander à bénéficier d'une amnistie totale s'ils confessent leurs exactions. Il s'agit en fait tout autant de purger les démons que de ressouder un pays multifracturé, un pays dont on a l'impression qu'il s'est, depuis l'origine, comme automutilé. Avec nous pour parler de ce sujet, Jean-Philippe Sépi, qui est journaliste à la télévision suisse romande. Il travaille pour Temps Présent. Jean-Philippe Sépi a beaucoup travaillé déjà en Afrique du Sud. Il y a fait de nombreux reportages, aussi bien pour la radio, Radio France Internationale, que pour la presse écrite, notamment Libération. Faire du reportage dans des pays frappés par des régimes totalitaires où la liberté de la presse est la plupart du temps muselée, revient un peu à se mettre les doigts dans la prise, ça n'a pas loupé. Jean-Philippe Sépi a goûté aux joies de l'emprisonnement local. Il a goûté la nourriture que l'on sert dans les prisons d'Afrique du Sud. Vous entendrez dans cette émission des passages du Temps Présent qu'il a réalisé en 1999 sur l'Afrique du Sud. Chapitre 1. la chimie et l'armée se mettent en ménage. À quand est-ce que ça remonte ? Alors je crois que ce qu'il s'agit de souligner, c'est que la communauté internationale était au courant de l'usage d'armes chimiques en Afrique dès les années 80. En effet, dans des régions comme le Mozambique ou l'Angola, qui étaient des pays dits de la ligne de front opposés à l'Afrique du Sud, on avait eu certains incidents qui démontraient que de part et d'autre, l'arme chimique était utilisée. Certaines commissions internationales, entre autres au Mozambique, ont été envoyées pour enquêter. Et elles n'ont finalement pas trouvé grand-chose. Ces incidents ont tout de même alerté en grande partie les services de renseignement occidentaux. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'Afrique du Sud était un pays qui possédait un potentiel à la fois technologique, industriel et financier pour développer ce type d'armes qui, il faut le préciser, peuvent être à la fois défensives et offensives. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud avait fait savoir qu'elle était capable de développer, comme pour l'arme nucléaire, des protections face à ses voisins tout de même assez agressifs contre ce type d'armes, mais également des armes plutôt offensives. On le savait donc, c'était un secret polichinelle et l'Afrique du Sud figurait sur les listes comme un État possédant potentiellement ce type d'armes. Chapitre 2. Journaliste sans liberté de presse. Une vocation sacerdotale, monsieur Jean-Philippe Seppi ? Oui, vous savez, je crois que aujourd'hui encore, et même dans les pays occidentaux, il est extrêmement difficile d'enquêter, de rechercher dans le domaine de l'arme chimique ou nucléaire. De surcroît, vous l'avez dit, il était quasiment impossible en Afrique du Sud à l'époque d'enquêter sur l'état des stocks. Il était tout à fait impossible non plus, même lorsqu'on était journaliste sud-africain, d'enquêter, je dirais, en règle générale, sur tout ce qui touchait la sécurité militaire. Il se trouve que personnellement, par exemple, j'ai eu l'occasion, un peu par hasard, d'avoir la puce à l'oreille sur ce type d'armes et de matériel lors d'un reportage que j'ai fait aux côtés des troupes de Jonas Savimbi en 1989-1990, puisque nous avions été victimes d'une attaque à l'arme chimique tout près de où nous étions avec les hommes de Savimbi par les troupes du MPLA d'Angola. Et à ce moment-là, il était évidemment clair qu'un journaliste qui se trouvait sur place, qui vivait ces événements, pouvait les rapporter. C'était évidemment tout autre chose d'enquêter sur l'état des stocks, sur les réseaux internationaux qui avaient permis, dans le fond, à l'une ou l'autre partie de se procurer ce matériel. Concernant ces attaques chimiques, elles se traduisaient de quelle manière ? C'était quoi ? Du bombardement ? C'était quoi ? L'attaque que j'ai personnellement vécue en 1990, il s'agissait nous étions dans la brousse avec les hommes de Savimbi. Il s'agissait d'abord du passage d'un petit avion de type Pilatus, suisse d'ailleurs, que les Angolais avaient acheté, qui effectuait une première mission de reconnaissance au-dessus d'un village et qui était suivi quelques minutes plus tard par le passage d'un MiG, d'un avion à réaction extrêmement puissant qui lâchait une ou deux bombes au-dessus du village. Quelques minutes plus tard, nous sommes rendus sur place dans l'hôpital local où des patients avaient déjà été amenés et ces patients, il était tout à fait clair que ces patients souffraient des symptômes que l'on connaît lors d'une arme chimique, difficultés respiratoires, picotement des yeux très important, la peau qui démange. Nous sommes ensuite rendus sur le lieu d'impact. Et une ou deux bombes n'avaient pas explosé et l'on pouvait tout à fait constater qu'elles contenaient une espèce de poudre bleuâtre qui, nous a-t-on dit par la suite, constituait de la substance chimique. Dans le secret de ces états-majors, l'armée sud-africaine élabore en effet un terrible et gigantesque projet, celui d'une guerre chimique et bactériologique. Justification de ces recherches, la guerre froide. L'Afrique australe est un enjeu stratégique important et les Russes expérimentent en Angola un matériel meurtrier du même type. Mais en fait, c'est surtout la population noire d'Afrique du Sud qui est la vraie cible des savants de l'apartheid. Un programme d'extermination massive baptisé Project Coast. C'est moi qui ai initié le Project Coast lorsque j'étais à la tête des forces militaires. Je l'ai fait parce que, à un moment donné, l'ANC s'est lancée dans des opérations urbaines et elle poussait les choses tellement loin que cela risquait d'aggraver la situation. C'est là que je me suis dit, au lieu de tirer à vue sur une foule en colère, à balles réelles, et de tuer des gens, cherchons un autre moyen de neutraliser ces groupes. J'ai alors soumis le problème à des scientifiques, dont Basson était l'un des plus importants. Bon, vous avez répondu, c'est vrai, en partie, on savait que l'Afrique du Sud possédait de l'armement chimique. Néanmoins, quand la commission Vérité et Réconciliation ouvre ses dossiers et son travail en commission, que découvre-t-elle ? Oui, je crois qu'il faut, préciser par rapport à ce que je viens de dire que le type d'attaque, par exemple, dont j'étais le témoin, était une attaque venant du MPLA, donc de l'Ouanda, c'est-à-dire des troupes qui étaient hostiles à l'Afrique du Sud. N'est-ce pas ? À ce stade-là, nous n'avons eu aucune preuve d'une attaque chimique par l'Afrique du Sud. Par contre, ce qu'il était évident... Non, mais l'Afrique du Sud avait revendiqué le fait de posséder du stock. Donc, il n'y avait pas de mystère à ce point de vue-là. Absolument. L'Afrique du Sud, suite à ces incidents, a estimé qu'elle était en danger. Elle a donc demandé, elle a fait savoir dans toute la communauté internationale qu'elle avait besoin de se doter d'un dispositif défensif contre l'arme chimique. À partir de ce moment-là, eh bien, c'est vrai que la plupart des services occidentaux, par exemple ici en Suisse, le laboratoire de Spitz, qui est un des laboratoires internationaux les plus reconnus dans ce domaine, a été contacté dès 1988 par les Sud-Africains, ainsi que les services de renseignement suisses, pour assister les Sud-Africains à se défendre. On en est là lorsque la commission Vérité et Réconciliation ouvre ses débats et ses délibérations. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président, oui, j'étais le directeur général. J'étais censé être le patron, celui qui définissait les programmes, décidait des équipements physiques, recrutait les bons scientifiques et aménageait les installations pour le gouvernement. D'une manière très stricte, on nous a informé que ceci serait une opération militaire menée au nom de l'État. J'ai enregistré la société en mon nom avec 3 autres actionnaires. Aurait-il été possible que cette société fonctionne efficacement avec un directeur général n'appartenant pas à la communauté scientifique? Absolument pas. Avez-vous été en contact avec les scientifiques lorsque vous étiez directeur général? Oui, monsieur. Connaissiez-vous la nature des recherches conduites dans vos locaux? Oui, monsieur. Nous avions des directives très générales sur ce qu'il fallait faire. Et nous avions une grande liberté pour faire ce que nous avions à faire. Oh, Jean-Philippe Sépi, qui nous accompagne toute cette journée, a réalisé plusieurs reportages et enquêtes sur l'Afrique du Sud. Et nous avons rencontré Jean-Philippe Sépi il y a quelques jours. Il nous parle à présent de ce mystérieux Toubib, considéré par bien des gens comme un nouveau Mengele. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais vu, enfin, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai vu physiquement, mais évidemment, au cours des enquêtes que j'ai faites, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me l'ont décrit, et je n'ai rencontré que des gens qui ont été fortement impressionnés par le docteur Basson. C'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement fin, extrêmement cultivé, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui est très discret, mais qui passe pour avoir un caractère tout à fait glacial et froid. Du point de vue de sa carrière, c'est un médecin, et très cardiologue, rapidement, hein, c'est cardiologue, c'est cela, tout à fait brillant, extrêmement bien noté, qui rentre dans l'armée assez vite. Précisément, le champ d'expérimentation de la plupart des officiers sud-africains, c'est l'Angola, et il est très rapidement nommé à la tête d'un bataillon, le 7e bataillon médical de l'armée sud-africaine, au sein duquel, non seulement il développe sa spécialité en matière de médecine de guerre, mais d'autre part, il a à sa disposition des laboratoires, et très rapidement, c'est à lui qu'on fait appel, vu ses compétences, vu ses très bonnes qualifications à la tête de son bataillon, pour mener le programme d'armement de l'Afrique du Sud. Il n'est pas, il faut le rappeler, un officier qui est livré à lui-même. C'est un officier qui est dirigé par un comité de sécurité tout à fait discret, dont les délibérations sont évidemment top secrètes et extrêmement confidentielles. Et dans le fond, Wouter Basson sera l'exécutant des bases œuvres de l'armée sud-africaine, supervisée par le régime sud-africain. Extrait de Docteur Lamort. « Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler ?»« La personne qui utilise cet appareil pique la personne visée. » Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité ? Tout à fait. Mais j'éviterai quand même de toucher l'extrémité, au cas où. Bon, jusque-là, ça va. Comme dirait l'autre, on en est un peu au coup du parapluie bulgare. Pour l'instant, on évoque le lance-pierre, la sarbacane, au fond, l'outillage basique du James Bond classique. Mais ça va pas s'arrêter là. On a déjà prévu de faire franchir à ce programme d'armement chimique d'autres étapes. Nous retrouvons Jean-Philippe Sépi. Alors pour l'instant, il faut le dire, tout n'a pas été révélé sur ce programme. Et il est extrêmement difficile de savoir si l'armée sud-africaine, ainsi que son contrôle politique, a donné le feu vert à Wouter Basson pour développer des armes de type offensif jusqu'au point où il les a développées. Il est évident que Wouter Basson avait les rênes et avait carte blanche pour développer un certain nombre d'armes comme des tournevis, comme des parapluies qui permettaient d'éliminer les opposants sud-africains à l'étranger. D'ailleurs, il y a eu des actes qui clairement visaient à éliminer certains opposants à l'apartheid. Par contre, quelle a été la marge de manœuvre du docteur Basson ? S'agit-il de sa propre initiative lorsqu'il décide, par exemple, de mettre sur pied un programme qui vise à développer certaines molécules qui ne viseraient que la population noire ou qui viseraient à rendre stériles les femmes noires, c'est encore difficile de le savoir. Et pour l'instant, à ma connaissance, on ne sait pas si cela ressort du propre cerveau malade et démoniaque du docteur Basson ou s'il agit sur ordre de ses supérieurs. Extrait de Docteur Lamort. Nous avons été élevés dans la croyance de l'apartheid. On nous a fait croire que Dieu approuvait l'apartheid par le truchement de l'Église, que notre participation dans les forces de sécurité était justifiée pour faire respecter l'apartheid, que les Noirs étaient inférieurs et que leurs besoins, leurs émotions et leurs aspirations étaient différentes des nôtres, que nous étions supérieurs et que ces différences justifiaient l'apartheid. Basson est le produit d'un système. Et ce sont souvent des systèmes de ce genre qui produisent des gens comme le docteur Basson. Car sa mission dans la vie, c'était d'essayer de maintenir au pouvoir un régime raciste tyrannique. Et ils étaient prêts à tout pour y arriver. Le fait que des gens soient allés aussi loin dans un génocide allant même jusqu'à produire une race de chiens qui ne mord que les Noirs, ou à mettre au point des substances chimiques qui n'ont d'effet que sur les Noirs et pas sur les Blancs, montre jusqu'où sont allés certains dans ce pays. Un système malfaisant peut gravement déshumaniser les gens. L'autre leçon, c'est que si on leur en donne l'occasion, les êtres humains peuvent se révéler excessivement diaboliques. Nous retrouvons notre guide du jour, le journaliste Jean-Philippe Seppi. Je crois qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'il y a deux processus en Afrique du Sud. L'un, c'est un processus, vous l'avez dit, de la Commission Vérité-Réconciliation, qui vise, en échange d'une forme d'amnistie, de demander aux acteurs de l'apartheid de tout déballer en échange d'une forme d'amnistie. Le docteur Basson s'est prêté à ce jeu-là. Il a accepté de témoigner devant la commission Vérité-Réconciliation sur son rôle. Mais la commission n'a aucun rôle de justice. Elle ne peut pas infliger des sanctions. Par contre, libre ensuite à la justice de s'emparer des dossiers et de les poursuivre sur le plan judiciaire. C'est ce qu'a fait, sur plainte évidemment, c'est ce qu'a fait l'État sud-africain. Et effectivement, ce procès dure depuis maintenant près de 2 ans. Il a vu défiler une cohorte de témoins, il a vu défiler une cohorte d'horreurs inimaginables. Et la question qui se pose maintenant, évidemment, c'est un peu celle du procès de Nuremberg, on peut le dire. C'est dans quelle mesure le docteur Basson était un artisan, était un exécutant d'une politique, dans le fond, imposée par la direction politique du régime d'apartheid, ou est-ce qu'il a pris un certain nombre d'initiatives pour lesquelles il est redevable devant la justice et il est coupable ? C'est vrai, le procès aujourd'hui est difficile à suivre. On a le sentiment que les actes, les chefs d'accusation sont retirés les uns après les autres. Cela, à mon sens, n'enlève rien à l'atrocité des actes du docteur Basson. Cela n'enlève rien à l'exposition de la vérité, puisque le tribunal pourrait parfaitement décider de relaxer le docteur Basson, parce qu'il ne l'estime pas coupable personnellement d'homicide. Par contre, l'existence du système, la culpabilité du système, elle est exposée à plein. Et la question qui se pose peut-être, c'est la raison d'État, dans l'affaire qui nous occupe, ne va-t-elle pas se prévaloir par rapport à la justice des hommes ? Oh la tête ! Oh la tête ! Oh la tête ! Oh la tête ! La raison d'État, nous dit Jean-Philippe Seppi, une cause qui va se transformer bientôt en raison des États. Tenez, un puzzle en 2 pièces. Mon premier a beaucoup de diamants dans son sol et mon deuxième, beaucoup de coffres dans ses sous-sols. De pas trop difficile, hein, faut dire, bon, on est vendredi. Bon, allez, pendant le temps de la réflexion, nous retrouvons notre guide Jean-Philippe Seppi. D'abord, du point de vue international, il faut rappeler peut-être quelque chose que les auditeurs n'ont pas forcément saisi. Wouter Basson, effectivement, a été arrêté à plusieurs reprises, puis relâché. Il a même été jeté hors de l'armée en 1993, puis il a été réengagé. Pourquoi ? Parce que, il faut le rappeler ici, les autorités qui ont pris le contrôle de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, était le président, membre d'un parti qui s'appelle l'ANC, qui, par la force des choses et par la force de l'histoire, était proche de Moscou et proche des pays communistes. Lorsque Nelson Mandela prend le pouvoir en Afrique du Sud, il doit donc regagner la confiance d'un certain nombre de services secrets et de gouvernements occidentaux, allemands, américains, britanniques en particulier. À ce moment-là, Nelson Mandela, qui doit sans doute être tenté de vider une grande partie de son armée, être tenté de vider une grande partie des membres des services secrets de l'apartheid, qui ont quand même pas mal de sang sur les mains, Nelson Mandela, dans sa grande sagesse, il faut le dire, décide de conserver une partie de ces gens-là, ainsi que des gens comme Wouter Basson, pour regagner la confiance des services secrets occidentaux et des gouvernements occidentaux qui demandent à voir comment cette émanation du communisme se comportera. Il faut rappeler également que Nelson Mandela a conservé des liens tout à fait étroits qu'il assume avec ses anciens amis Fidel Castro et Kadhafi, et c'est extrêmement mal vu à Washington et à Londres, par exemple. L'affaire Wouter Basson s'inscrit dans ce cadre-là. Wouter Basson, c'est vrai, est dans un premier temps chassé de l'armée. Il est ensuite réengagé pour qu'il n'aille pas vendre ses secrets à l'étranger. Et c'est à cette lumière-là, je crois, qu'il faut voir ce problème de raison d'État dans lequel s'inscrit l'affaire Basson. Et je ne serais pas du tout étonné que Wouter Basson soit finalement condamné à peu de choses, qu'on lui offre une retraite tout à fait confortable, parce que c'est un personnage extrêmement embarrassant, dont l'Afrique du Sud contemporaine d'aujourd'hui ne peut pas se permettre de le mettre sur liste noire. Bien, le temps de la réflexion est passé. On vous rappelle que les deux pièces du puzzle à reconstituer sont les suivantes. Mon premier a beaucoup de diamants dans son sol. C'était l'Afrique du Sud, évidemment. Bravo, vous avez gagné. Et mon deuxième, beaucoup de coffres dans ses sous-sols. Ah là, oui, là, c'est vrai, c'était pas facile. Réponse donc par Jean-Philippe Sépi, le spécialiste de cette grosse patate chaude. Maintenant, la Suisse, dans cette affaire, joue-t-elle un rôle mineur ou un rôle majeur? Vu l'Afrique du Sud, elle joue sans doute un rôle mineur. Vu de Suisse, c'est une autre question. Il faut rappeler que la Suisse bénéficiait à l'époque de la guerre froide, et en particulier lorsque l'apartheid a sévi, elle bénéficiait d'une entrée, d'un ticket tout à fait favorable auprès du régime d'apartheid, puisqu'elle n'appliquait pas l'embargo et qu'elle jouait beaucoup de son statut de neutralité pour conserver un lien assez étroit, financier, commercial, avec l'Afrique du Sud. Alors, du point de vue militaire, eh bien, nos militaires avaient carte blanche, et ils l'ont eu à plusieurs reprises, et particulièrement les services secrets, de l'autorité politique pour entretenir des liens tout à fait régulier avec leurs homologues sud-africains. Il y avait des rencontres régulières en Afrique du Sud et à Berne, en Suisse, pour entretenir des rapports qui consistaient à échanger de l'information, échanger des experts. Et il est clair que dans ce cadre-là, lorsque les Sud-Africains ont eu besoin d'aide dans le domaine défensif, chimique et bactériologique, ils se sont tournés vers leurs amis suisses qui ont dit oui. Des preuves. Ah, comme vous y êtes. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous. Alors, extrait du Téléjournal du 8 août 2001. À l'époque de l'apartheid, Wouter Basson, chef du programme de l'armement chimique, manipulait virus et poisons destinés aux ennemis du régime. Depuis octobre 99, celui qu'on a appelé le Mengele de l'Afrique du Sud doit répondre de ses actes devant la justice. Procès au cours duquel il vient à nouveau d'accuser les services secrets suisses d'avoir collaboré à ses projets. Les services secrets helvétiques et leur chef Peter Regli l'auraient aidé à acheter du mandrax à la Russie en 1992. Un sédatif destiné à neutraliser des manifestants, des accusations qui ont fait réagir le département de la Défense. Les accusations en tant que telles sont graves. Il s'agit maintenant de savoir si elles sont justifiées ou pas. Dans ce but, le département a lancé une sorte de pré-enquête avec l'ambassade de Suisse à Pretoria, alors même qu'en décembre 99, Peter Regli, chef des services secrets helvétiques, avait été blanchi par une commission parlementaire qui s'était penchée sur ses liens avec Wouter Basson. Manière de dire que pour le DDPS, l'affaire pourrait être relancée. Selon le résultat de cette pré-enquête, si vous voulez, le chef du département va décider la suite. Contacté par téléphone, Peter Regli, aujourd'hui en retraite anticipée, qualifie de farfelu les accusations de Wouter Basson et dit avoir la conscience tranquille, quoi qu'il advienne. Voilà de quoi vous faire une idée de l'Afrique du Sud, de l'apartheid et compagnie. Merci à Jean-Philippe Sépi d'avoir accepté d'être notre guide pour cette dernière journée. À lundi. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS, avec aujourd'hui Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.